cours numéro 32. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah wahdah. Wa salatu wa salam ala man la nabiyya ba'dahu, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. ما هو الباب الذي أخذناه في درسنا الأخير؟ تفضل. الباب هو ما نطع العلماء في تحليل ما حرم الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا. نعم، فقد اتخذهم أربابا. لماذا ذكر رحمه الله هذا الباب هنا؟ pourquoi il a cité ce chapitre في كتاب التوحيد المؤلف رحمه الله؟ تفضل. ولين تكرر هذا الباب لأن الطاعة والعبادة وهذا يجوز المؤلف يبين أن لا يجوز أن يطبع من يخالف الله ورسوله. نعم، فلا يجوز طاعة غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فيك الطاعة من عبادة. والعبادة من خصائص الله عز وجل. فشيخ الإسلام il a cité ce chapitre pour montrer l'importance de الطاعة أي l'obéissance à Allah سبحانه وتعالى. وكذلك pour démontrer أنه لا يجوز طاعة أي واحد que ce soit n'importe qui في تحريم ما أحل الله أو العكس. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى c'est lui seul Azza wa Jal qui rend telle chose haram ou telle chose halal. Et كذلك il a révélé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam des ahkam. فَلَا يَجُوزْ لِأَحَدٍ كَائِنًا مَنْ كَانْ de contredire les textes, عَيَّدًا بِاللَّهِ, et d'autoriser une chose d'interdite ou d'interdire une chose autorisée. وَاسْتَدَلَّ بِآيَةٍ مَهِي في حديث عدي بن حاتم نعم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فسي كوا لو لي انتر سو فيرسي الباب عند من؟ تفضل. كيف يفصل أكثر؟ تفضل. لما اتبع أحبارهم وربانهم في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم جعلهم الله طاعة. نعم. فسي بور سا كو عدي إلى كومبخي لما تلا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية قال لسنا نعبدهم أي أون ليز أدور با من دون الله. النبي صلى الله عليه وسلم il lui a démontré que تحليل الحرام أو تحريم الحلال وطاعتهم في ذلك من العبادة. لماذا؟ لأن هذا من حق الله عز وجل وحده. من يقرأ الباب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الاسلام الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى لما نفع العلماء والامراء بتحليل حول الله او تحليل ما حرمه فقد اتخذوا اربابا. وقال ابن عباس يشكو ان تنزل عليكم حجاره من السماء ان اكون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقولون. قال ابو بكر وعمر وقال احمد بن حنبل عجبت لقوم عرفوا الاسلام وصحة يذهبون الى رئيس سفيان رضي الله تعالى يقول هل يحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم فتنه الشرك لعله اذا رد بعض قوله ان يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية. فقلت له إن لسنا نعبدهم. قال أليس تحرمون؟ قال أليس يحرمون ما حرم الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فيحلونه. قلت بلى. قال فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا الآيات. هذا الباب il est lié au bab précédent. فما تقدم معنا ستسير الطاعة طاعة الأمراء والعلماء وتقدم معنا أنه لا يجوز طاعتهم فيما حرم الله سبحانه وتعالى أي في معصية في مخالفة on a pas le droit d'obéir que ce soit un savant ou un gouverneur. وفي هذا الباب شيخ الإسلام va citer une autre مسألة مهمة وهي ما يتعلق بالحكم بما أنزل الله أي le fait de juger avec les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une ibadah azim. Et juger avec autre que les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une ma'asiyah kabira. Wa sayati, insha'Allah ta'ala, ma'ana at-tafsil fil hukm. Amma munasabatu hadha al-bab, qala al-Sheikh al-Fawzan hafidahu Allah ta'ala, nabbaha al-muallif rahimahullah, bihadha al-bab, ala ma tadhammanahu at-tawhid. واستلزمه من تحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم في موارد النزاع إذ هذا من مقتضى الشهادتين التوحيد تقدم معنا أن سلفت دادغ الله سبحانه وتعالى السل سسام معنى التوحيد فهذا سوف أمبليكي دي شوز أن الإنسان يدوى أدغ الله عز وجل وحده واذا حصل خلاف s'il y a une divergence dans une mas'ala fala bud qu'on revienne au Coran et à la Sunna hukm Allah subhanahu wa ta'ala قال فمن تلفظ بالشهادتين ثم عدل الى تحكيم غير الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كذب في شهادته si on prononce cette shahada أنه لا إله إلا الله personne ne mérite d'être adoré sauf Allah وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي on a la conviction أنه سان رسول وأوحى الله سبحانه وتعالى إليه القرآن العظيم الله lui a révélé le Coran on doit le suivre et on doit revenir à ses ahkam qui sont basés sur le Coran ou sur sa sunna عليه الصلاة والسلام فسي quand il y a un isa on revient pas au prophète عليه الصلاة والسلام au Coran à la sunna فَكَمَا قَالَ شِخْ الْفَوْزَنَ هَذَا ça montre un ضعف et ça montre في الحقيقة une contradiction فَسِي سِي الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم وَلِلَّهِ الْحَمْدُ on n'a aucun doute فعند النزاع quand il y a une divergence on doit revenir à son قول كَمَا قَالَ عَزَّ وَجَلَ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ Si vous croyez vraiment en Allah, فَعِنْدَ النِّزَاعُ on doit revenir au Coran et à la Sunna. وَقَالَ الشَّيْخُ بْنُ بَازٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَتَبَيَّنَ الْآيَةَ أن بعض الناس, le verset qu'on a lu, أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَقَالَ الشَّيْخُ بْنُ بَازٍ رَحِمَهُ اللَّهُ كَمَا فِي شَرْحِهِ وتبين الآية أن بعض الناس يدعي الإيمان والإسلام وهو ليس كذلك بل هو من المنافقين قوله عز وجل ألم تر إلى الذين يزعمون أي prétend أنهم آمنوا بالله ça nous montre أن الإسلام c'est pas مجرد un قول الإسلام c'est pas qu'une prétention الإسلام c'est une عقيدة dans le cœur c'est des paroles et c'est des actes فلهذا قال عز وجل لم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وهذه من صفات المنافقين أي prétend croire en ce dîn au prophète محمد صلى الله عليه وسلم ثم quand il y a une divergence ils veulent Ils veulent revenir au tagout. Iyadan billah. قال الشيخ رحمه الله فإذا جاءت الحوادث والخصومات قالوا أو طلبوا التحاكم إلى غير الله وإلى الطاغوت وهو كل ما عبد من دون الله. Et ça c'est très très grave. الواجب على جميع المسلمين c'est de ne pas se contredire. فنؤمن بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبكتابه الكريم. Quand il y a un isa, quand il y a une divergence, on doit revenir au Coran et à la Sunna. الحكم لله سبحانه وتعالى وحده. قال المؤلف رحمه الله وقوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون وقوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. قال الشيخ الفوزان حفظه الله مناسبة الآيتين للباب أن من يدعو إلى التحاكم إلى غير ما أنزل الله فقد أتى بأعظم الفساد في الأرض. لماذا؟ لأن الإصلاح والهدى ما جاء في الكتاب والسنة. Et tout ce qui contredit le kitab ou la sunna, c'est min al-fasad wal ifsad fi al-ard. فلهذا الله سبحانه وتعالى أمرنا بالإصلاح et de ne pas faire de fasad. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. قال رحمه الله وقوله أفحكم الجاهلية يبغون. قال الشيخ الفوزان حفظه الله في الملخص مناسبة الآية للباب أو الآية للباب أن من ابتغى غير حكم الله من الأنظمة والقوانين الوضعية فقد ابتغى حكم الجاهلية. نعم أي tous ceux qui désirent autre que les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit des coutumes, que ce soit les lois des kafara, que ce soit des choses basées sur la raison, al-muhim, c'est pas des lois qui sont fondées sur le Coran ou le Sunnah. فهذا الحكم سمن حكم الجاهلية. فلهذا قال عز وجل أفحكم الجاهلية يبغون. أي est-ce que c'est ce حكم qui veulent, أي حكم الجاهلية. Mais le mu'min il veut hukm Allah. Même s'il a des faiblesses dans certaines choses, il aime هذا الحكم. Et s'il le khalif, fa'ya'tarif bi taqsirihi. Et il fait tout pour faire tawba et revenir. Ala kulli hal, il sait que hukm Allah c'est l'aslah. C'est l'afdal, c'est l'anfa'. Et idha hasala shay min adh-dha'f, fa'aqidat al-mu'min c'est hadhi wa lillahi alhamd. Hadhihi al-mas'ala al-'azima. أو قبل ذلك نفني الباب حتى نتطي قليلا ما يتعلق بالحكم بما أنزل الله. قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي رحمه الله حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. تقدم معنا هذا في شرح الأربعين. هذا الحديث إلى الضعيف. فقول الإمام النووي حديث صحيح قول غير صحيح. الحديث إلى ضعيف كما نبه الحافظ ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم المحقق إلى سيتسون كلام في الحاشية. قال رحمه الله تصحيح هذا الحديث بعيد جدا من وجوه وذكرها. Et avant, on les avait cités في شرح الأربعين. Il a cité plusieurs علل, plusieurs causes des défauts dans la chaîne de transmission de ce hadith. فال حديث est ضعيف. Et كما قال الحافظ ابن رجب رحمه الله أن تصحيحه il est بعيد جدا. Ça montre que le ضعف il est clair. ثم قال وأما معنى الحديث فهو أن الإنسان لا يكون مؤمنا كامل الإيمان الواجب حتى تكون محبته تابعة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي وغيرها فيجب أو فيحب ما أمره به ويكره ما نهى عنه إلى آخر. نعم فقوله لا يؤمن سنفي الإيمان الكامل الواجب. Ne pas comprendre من هذا الحديث مع أنه إلى ضعيف لكن معناه إلى صحيح. لا يؤمن أي أنه سيبلو مؤمن سان كافر. لا لا يؤمن أي الإيمان الكامل الواجب، أي إذا وقع في شيء من هذا فسين معصية. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. أي ce qui va aimer c'est tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré. أي مثلا il nous a ordonné des choses, il nous a recommandé des choses, فيحب هذه الأمور. Et كذلك il nous a interdit des choses et nous a mis en garde contre certaines choses, il s'écarte contre ces choses et il aime هذا الحكم du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Enfin, ne pas comprendre que celui qui aime une ma'asiyah et qui fait une ma'asiyah, c'est un kafir, parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit la yu'min. Là, ça montre le ضعف l'iman. Et l'aqidat ahl sunnah, ma'roufa. قال الشيخ الفوزان حفظه الله في مناسبة الحديث للباب كما في الملخص نفي الإيمان عمن لم يطمئن إلى شرع الله ويحبه ويكرهه ما خالفه من القرآن أو القوانين والنظام الوضعية. نعم. أما celui qui déteste حكم الله سبحانه وتعالى il fait passer avant hukmullah une autre chose لأنه il déteste هذا الحكم. Et on va expliquer cette mas'ala بإذن الله كما قلنا. هذا لا شك أنه سري كفر بالله عز وجل. قال المؤلف رحمه الله وقال الشعبي كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة. Deux hommes, واحد من المنافقين, en apparence c'est un musulman, لكن au fond de lui il ne croyait pas, munafiq, un hypocrite, et un autre من اليهود, un juif. فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد. Ils ont eu un problème dans une chose, et le juif il a dit au munafiq, on revient à Muhammad. Pourquoi? لأنه كان يعرف صدقه, et أن النبي صلى الله عليه وسلم il prenait pas rishwa. وهذا فيه أن كثير من الكفرة يغكنس أن النبي صلى الله عليه وسلم il a appelé au حق, il a appelé au bon comportement, il a mis en garde contre l'injustice, il a appelé, لكن ce qui les empêche de le suivre عياذا بالله c'est le كبر. أما هذا اليهودي مثلا مع أن القصة لضعيفة لكن على قدر صحتها أن هذا اليهودي مع هذا الاعتراف il s'est pas converti. لكن il voulait revenir vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. لماذا? لأنه il avait une maslaha. Et il savait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il allait juger bihaq. Et vu que ce yahoudi il savait qu'il était à la haq dans ce sujet, il savait qu'il allait avoir le haq et il allait prendre le dessus sur cet hypocrite dans cette mas'ala. وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. أما المنافق فقال on revient aux juifs dans cette masse. Alors, c'est eux qui vont juger. Les mahadali, ils savaient que les yahoudis prenaient al-rishwa. Al-rishwa, ma'rouf. Ils donnaient de l'argent pour enlever un haqq à un autre. C'est ça, al-rishwa. C'est haram. La'anallahu al-rashi wal-murtashi. Hakada qala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. La corruption, c'est haram fi al-islam. Et ça nous montre que l'ahl al-batil, ils ne sont pas thabites. Ils n'ont pas de sabbat dans leur mawaqif. Anzuru al-Yahudi, il n'a pas voulu revenir aux siens, à ses frères juifs. Limadha li'annahu yusfil maslaha, il a préféré revenir au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, li'annahu savait qu'il allait avoir le haq. Al-Munafiq, il n'a pas voulu revenir à ses frères en apparence le muslimin. Limadha li'annahu al-masalih, nafs al-shay. Amma al-mu'min al-salih, qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala et qui aime son din et qui suit son din, il recherche le haq aynama kan. L'essentiel annahu il veut hukmullah subhanahu wa ta'ala et il veut le haq. Qala fattafaqa ala an ya'tiya kahinan fi juhayna. Ils se sont mis d'accord d'aller voir un sorcier yadam billah fi juhayna. Fayatahakama ilayh fanazzalat alam tara ila alladhina yaz'umun annahum amanu billah al-aya. Hadhihi al-qissa li da'ifa. وقيل c'est pour ça que Cheikh al-Islam rahimahullah huna qala وقيل. Et quand les ulama ils citent un athar ou un hadith بهذه الصيغة, les ulama ils appellent صيغة التمريض قيل, Il n'a pas dit qala fulan, on est sûr que fulan il a dit là, qila. Et on a dit un autre qawl pour montrer anna hadha fihi dha'f. نزلت في رجلين اختصما فقال احدهما نترافع الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال الاخر الى كعب بن الاشرف ثم ترافع الى عمر ذكر له احدهما القصه فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك قال نعم فضربه بالسيف فقتله وهذه كذلك لضعيفه وهذه لضعيفه جدا هذه القصه على كل حال revenir à Hukmullahi subhanahu wa ta'ala, c'est min alamat al-iman. Et détester Hukmullahi subhanahu wa ta'ala, c'est min alamat al-kufr. Qala Cheikh Ibn Baz rahimahullah fi sharhih, hadha yadul ala anna al-munafiq ash-sharru min al-yahud, li'annahum yulabbisuna ala al-nas amrahum wa yahsul bihim al-dhalal. Sahih. Anna al-yahud al-zanadiqa, ils sont pire que al-yahoud wa al-nasara. Lianna al-yahoud wa al-nasara amruhum wadih. Tu sais que c'est un adou min a'da illah. Il te déteste, tu le détestes, tu fais attention ila akhir. Hatta al-awam yubghidhuna al-yahoud wa al-nasara wa lillahi alhamd. Amma al-munafiq fa yudhiru al-islam wa al-salah yannahu c'est ton frère, yannahu tu peux compter sur lui et rubbama yat'an fik. Wa rubbama يشمت بك الأعداء وهكذا معروف حال المنافقين فلهذا المسلم doit faire très très attention de هذا الصنف المنافقون وتأملوا ils étaient présents à l'époque du prophète صلى الله عليه وسلم إلى شك أن à notre époque ils sont présents بكثرة عيادا بالله خاصة إذا قوي الإيمان في مكان فالمنافقون يظهرون pour combattre هذا الإسلام de l'intérieur. Et ils ont des alamat ma'roufa. Wa min alamatihim ma dhukira fil qissa. Annahum détestent hukm Allah. Et ils font tout pour combattre shari'atullahi subhanahu wa ta'ala. Quitte à s'allier avec al-kafara, leur frère. Amma hukm al-bab. Hukm man hakama bi ghayri ma anzal Allah. Hadhihi al-mas'ala, on l'a étudié de nombreuses fois avec nos frères, wa lillahi alhamd. Lakin, on résume Huna pour ceux qui n'étaient pas présents, et kadhalik, ça sera un rappel pour ceux qui ont déjà étudié ce sujet. Aïe, le jugement de celui qui juge par autre que les lois d'Allah. Naqra min kalam, Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, fil qawl al-mufid, et walillahi alhamd, c'est qawl kathir min ahl al-ilm, dans leurs explications de kitab tawhid de ce bab, kathir minhum, ils ont cité hadha tafsil. قال رحمه الله فيكون كافرا في ثلاثة أحوال. Tu as quatre cas. Dans trois cas, c'est du kufr akbar. Ça fait sortir de l'islam, ayyadan billah. Et dans un cas, c'est du kufr asghar. Ça fait pas sortir de l'islam, lakin c'est un très grand péché. Les trois cas qui font sortir de l'islam, Cheikh Ibn Uthaymeen, il les a résumés. قال أولا إذا اعتقد جواز الحكم بغير ما أنزل الله. Même s'il pense que شريعة الله أفضل وحكم الله il est mieux que ses lois, لكن il pense que c'est permis. لماذا c'est du كفر أكبر؟ تفضل. أحسنت. لأنه تحليل ما حرم الله. الله لا حرم فحكم الجاهلية يبغون وقال عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون هذا يقول سبيرمي ففي الحقيقة يغن لسيت une chose d'illicite بل الله سبحانه وتعالى il a appelé le fait de juger par autre que les lois d'Allah كفر. Donc celui qui pense que c'est permis, même s'il pense que les lois d'Allah elles sont meilleures il a agiré أيكفر بالله عز وجل. Deuxième cas, إذا اعتقد أن حكم غير الله مثل حكم الله. S'il a la conviction أن les lois d'Allah, Coran, Sunna et la Sharia, et autre que les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, et les lois inventées par les hommes, c'est la même chose. Hada c'est permis et hada c'est permis. Kufrun et c'est plus grave. Il y en a le premier, il a admis que les lois d'Allah elles sont meilleures. Lakin, il a rendu licite une chose d'illicite. Enfin, c'est du kufr, c'est de la grande mécréance. Deuxième cas, c'est plus grave. Les annahu, il les met au même niveau. La shak annahu, c'est du kufr. Les ma'adha, les annahu, il rend halal une chose de haram. Troisième cas, إذا اعتقد أن حكم غير الله أحسن من حكم الله وهذا أشد. Et ça c'est encore plus grave. أنه si il croit que autre que les lois d'Allah elles sont meilleures que les lois d'Allah عز وجل. هذا c'est très très grave. هذا c'est du طعن في رب العالمين. مع أنه c'est du تحليل لما حرم الله سبحانه وتعالى بوضوح في القرآن وفي السنة. أي le fait de rendre licite une chose d'interdite, et كذلك طعن في الله. كيف des lois de Bachar, d'un être humain ضعيف, elles peuvent être meilleures que les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Khaliq, Al-Khabir, Azza wa Jal. هذا لا شك أنه c'est du kufr, et c'est du طعن في رب العالمين. Donc ces trois cas, Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayh, il les a cités du moins grave au plus grave. On les récapitule, s'ils pensent que c'est permis, alors qu'il a la conviction que les lois d'Allah elles sont meilleures, là qu'il pense que ce permis de juger par autre que les lois d'Allah, c'est du kufr akbar. S'il pense que c'est la même chose, c'est du kufr akbar. S'il pense que autre que les lois d'Allah, elles sont meilleures que les lois d'Allah, c'est du kufr akbar, les trois cas. Quatrième cas, on résume son kalam. Amma celui qui veut kalam Cheikh Ibn Uthaymeen bin Nas, et il veut le recopier, fa yarji ila al-qawl al-mufid, son charh. Qala إذا كان حكمه بغير ما أنزل الله لهوى في نفسه مع اعتقاده أن حكم الله هو الحق لكن حكم بغيره لهوى في نفسه إلى آخره. Il a démontré هذا, c'était du fisq. Et ça ne fait pas sortir de l'islam. C'est du kufr, دون كفر. كما صح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وغيره من أئمة السنة. Aïe, c'est du kufr lakin qui ne fait pas sortir de l'islam. لأن عقيدة أهل السنة أن الكفر منه أكبر ومنه أصغر. كقول النبي صلى الله عليه وسلم قتال المسلم كفر سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. أي le fait de combattre un musulman c'est du kufr. ولا شك أن celui qui combat son frère musulman, ça reste un musulman. Lakin, ce qu'il fait, c'est un très grand péché. Valihad, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est un kufr. Lakin, ça reste du kufr asghar, ça ne fait pas sortir de l'islam. Wa min hadha al-bab, kadalik, ce verset. Ce verset, bien sûr, à la tafsil, avec les détails, les catégories que Cheikh Ibn Uthaymeen, il a cité. Aïe, le quatrième cas. Annahu, il reconnaît que hukmullah, il est afdal. Et il sait que son jugement par autre que les lois d'Allah, c'est une mukhalafa, c'est une ma'asiyah. Lakin, il le fait, limada, li hawa. Imma il pense que c'est utile. Imma des pressions par les ennemis de l'islam. Imma il affaiblit, imma c'est pour de l'argent. Al-muhim, il rend pas halal. La yastahil al-hukm. Et bi ghayri ma anzalallah. Fahada, ça fait pas sortir de l'islam, lakin, c'est une ma'asiyah. Et on revient, comme on l'a cité dans le dors précédent, l'importance de connaître هذه التفصيلات. لأن البعض تأثروا بمذهب الخوارج وأخذوا بأصل من أصولهم التكفير بالمعصية. أما عند أهل السنة فإن على conviction أن الإيمان يمonte et descend. Un al-mu'min, il peut avoir des faiblesses, et il a des faiblesses. Que ce soit un gouverneur, ou un musulman de la masse, ou un savant, ou un étudiant. L'insan, il n'est pas ma'asoum. Fa'indahum, al-ma'asiyya, ça ne fait pas sortir de l'islam. Al-kabira. Tant que, bien sûr, il n'y a pas une preuve que ce péché fait sortir de l'islam, qu'à al-shirk, wa al-sihr, wa sab al-din, wa sab al-nabi, sab Allah Azza wa Jalla, il a akhir. Ça, c'est des ma'asi. On a une preuve que ça fait sortir de l'islam. Amma al-kaba'ir, ou qu'on n'a pas de preuve que ça fait sortir de l'islam. Et al-ulama, ils ont démontré, anna, c'est une kabira. On doit avoir la conviction de Ahl al-Sunnah, an al-Kabira, les grands péchés, ça ne fait pas sortir de l'islam. Lakin, comme nous l'avons dit, an al-Ba'd, ta'atharu bi madhhab al-Khawarij, et à notre époque, Da'ish al-Dullal al-Mufsidun, et ils ne reviennent pas à Ahl al-Ilm pour comprendre هذه النصوص ويكفرون جميع الحكام. Pour eux, il n'y a pas de gouverneur musulman à notre époque. كذلك يكفرون المسلمين. لماذا؟ لأن المعاصي حاصلة. Il y a des péchés, il y a des grands péchés dans la Ummah. À notre époque, cette époque de faiblesse et d'ignorance, il a akhiré. لكن السني مع هذا, il ne fait pas sortir ses frères de l'islam. Que ce soit des gouverneurs ou des musulmans de la masse. خاصةً أن النبي صلى الله عليه وسلم il a mis en garde contre هذه الفتنة. فتنة تكفير المسلمين. لأن التكفير c'est un حكم شرعي. في الحقيقة التكفير il faut avoir un نص من الكتاب ومن السنة. C'est pour ça, إذا تأملتم قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله كما يقول بعض أهل العلم, c'est pas خاص pour les gouverneurs. لأن الله عز وجل قال ومن c'est من ألفاظ العموم. أي quiconque juge par autre que les lois d'Allah. فالو mot quiconque en arabe من ça englobe les gouverneurs et autres. فهؤلاء المفسدون الخوارج داعش et juge par autre que les lois d'Allah en qualifiant les musulmans de kuffar. لِأَنَّ أَيْنَ الدَّلِيلِ عِنْدَهُمْ tout le monde est sorti de l'islam sauf eux. عِيَدٌ بِاللَّهِ هذا c'est pas من الحكم بشريعة الله عز وجل. كذلك كثير منهم ils font des péchés. أحيانا pour légitimer ce qu'ils font. Qui c'est qui leur a autorisé هذا? Est-ce que ça fait partie de حكم الله عز وجل? فكم من معاصي. فلهذا ما نصرهم الله عز وجل à cause de leur croyance facile et à cause de leur péché. Et ils font que du mal à la umma. أما عقيدة المؤمن أن المسلم tant que c'est un musulman et il fait pas une chose qui est citée dans le Coran et une preuve أنه il sort de l'islam, ça reste un musulman même s'il fait beaucoup de péchés. Ça reste un musulman avec des faiblesses dans la foi. Et on revient à ce qu'on disait, أن النبي صلى الله عليه وسلم il a mis en garde contre هذه الفتنة, et le fait de كفر, et faire sortir un musulman de l'islam. كما في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كفر الرجل أخاه فقد بأى بها أحدهما. Et si واحد, si une personne, elle fait sortir de l'islam son frère musulman, فقد بأى بها أحدهما. Et si son frère, c'est pas un kafir, le hukm revient sur lui. وهذا c'est من حديث الوعيد pour montrer la gravité de ce فعل. مع أن celui qui le fait, il sort pas de l'islam. Ne pas comprendre, من قول النبي صلى الله عليه وسلم, le kufr revient sur lui, lui-même ça devient un kafir. Là. لأن vous avez remarqué كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كفر الرجل أخاه c'est des frères في الإسلام لكن le fait de le faire sortir de l'islam c'est très très grave. Cette accusation elle revient sur lui et ce péché, cette injustice là, ça revient sur lui. أما ça ne fait pas sortir de l'islam. انظروا عدل وإنصاف أهل السنة. Même sur celui qui veut les kafirs, فَلَا يَقُولُونَ أَنَّهُ سَنْ كَافِرٌ. Là, pourtant, ils ont un dalil, لكن ils ont compris هذا الدليل بإنصاف. Et هكذا السنّي. Tu dois prendre l'adilla, pas avec les passions, عيادًا بالله. Ne pas profiter pour faire du mal à un autre, لأن t'as un dalil. Là, هذا c'est دين الله. وفي رواية أخرى, النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. Si c'est vrai que c'est un kafir, c'est un kafir. Et si ce n'est pas vrai, et cette accusation, ça revient sur lui. Et comme on l'a cité auparavant, c'est très très grave. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كما في فتاوى النور على الدرب الواجب على المرء أن يتقي الله عز وجل في هذه المسألة لابد من ورع وخوف dans cette مسألة et ne pas lâcher هكذا des accusations sur ses frères خاصة الحكام. لماذا؟ لأن cette كلمات peut avoir des conséquences très très graves. Si c'est un gouverneur, c'est un kafir, donc il n'a plus de wilaya sur le muslimin. On n'est plus obligé de lui obéir. Et si les muslimons, ils ont la capacité, le qudra, fayajouz al-khuruj, et de se rebeller contre lui, ils ont la capacité. Ça implique des choses très très graves. Enfin, si c'est un muslim, même s'il a des péchés, ça reste un muslim. S'il juge par autre que les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, wal ulama ma kafaru, et il fait salat, et il donne de l'importance à l'islam, lakin yad'uf dans min hada al-janib annahu yujj pas par autre que les lois d'Allah, fala yajouz. La yajouz li ahad de citer ce hukm. Ce hukm y revient à ahlul ilm. C'est pas tout le monde. On vit une époque l'an, iyadan billah, tout le monde parle. Sur les réseaux sociaux, sur internet, dans la rue, al-awam, al-juhal, tout le monde parle. Khassatan fi hukam le muslimin. C'est une contradiction de la voix des salaf. قال الشيخ العثيمين رحمه الله أن يتقي الله عز وجل في هذه المسألة وأن لا يكفر إلا من دل الكتاب والسنة على كفره. خاصة نموت خلنا هذا الحكم. Il faut plusieurs choses. أولا il faut un دليل من الكتاب ومن السنة أن cette chose que ce musulman fait, que ce soit un gouverneur ou autre, c'est du كفر. هذا أولا. ثانيا أن هذا الرجل فعل هذا الكفر أي كسو مسلم il a fait ce كفر. فكم من الناس ils accusent des gens d'avoir fait une chose, ils n'ont pas fait ces choses. Tu peux citer un délit dans ce cas, le délit il est صحيح, لكن cette personne elle n'a pas fait cette chose. Est-ce qu'on peut appliquer le حكم du délit sur la personne? أبدا. فلا بد ces deux choses, أن الدليل il est صحيح et il est clair, et كذلك que cette personne elle a fait cette chose et elle mérite هذا الحكم. Et هذا ça revient à أهل العلم في مسائل التكفير والتبديع والتفسيق. C'est pas tout le monde. Si on ouvre la porte à tout le monde, ça devient al-fawda, et c'est ce qui se passe à notre époque, والله المستعان, dans beaucoup d'endroits, des fitan في هذا الباب. لماذا؟ لأن بعض الشباب ils reviennent pas à أهل العلم et ils parlent et ils citent des choses qu'ils ne comprennent pas. يحكمون بغير حق على الناس. Et si c'est sur les gouverneurs, c'est encore plus grave. ويترتب على هذا الحكم, on répète des choses très très graves. Même si c'est un musulman de la masse. لأن تكفيره, ça va impliquer أن s'il est marié avec une musulmane, il ne doit plus rester avec elle. Cette musulmane, elle n'a pas le droit de rester avec un kafir. كذلك, si il meurt على هذا الحال, et il laisse de l'argent, il laisse des biens, enfin, ses enfants musulmans, ils n'ont pas le droit de prendre l'héritage. Les annahu c'est un kafir. La yarithu al-muslim al-kafira, wala al-kafir al-muslim. Et beaucoup de choses qui vont être, ça va impliquer هذا الحكم. فالإنسان يتق الله. Et qui c'est qui nous a imposé هذا? Wala ahad. Si tu sais que ton frère il a un dhaif fi la mukhalafa, tansihhu, fais-lui une nasiha, montre-lui le haqq, la'allahu il revient. Et s'il fait tawba, alhamdulillah, on n'a plus besoin de parler est-ce que c'est un kafir, est-ce que c'est un mubtadi, on n'a pas besoin de hada, il revient, walillahi alhamd. Na'am, s'il n'écoute pas le nasiha et il s'entête, on revient à ahlul ilm et on cite le cas comme il est, sans déformer, sans talbis, sans tadlis. Et on applique la fatwa du savant qui est basée sur al-dalil. Quand on ferme les portes à ahlul shar wa ahlul fitan. Kadhalik, on peut citer des paroles d'imam de la sunna et qui vont dans ce sens, et le tafsir que Cheikh Ibn Uthaymeen il a cité. Lianna ba'd al-juhal yadhunnun anna hadha al-qawl, et le fait de ne pas rendre le kuffar, les gouverneurs qui jugent par autre que les lois d'Allah, Ba'd al-Juhal, ils pensent que c'est une innovation, ils pensent que c'est une parole de certains savants de nos jours, des savants corrompus. علماء السلطان اللي زابيل أو علماء الحيض والنفاس ويطعنون في أهل العلم والجهال صفك هذا القول سقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك سقول أئمة التابعين des imams qui sont venus après منهم on peut citer الإمام أحمد رحمه الله سئل عن قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون هل هذا كفر أو ما هذا الكفر اللي يمبوز لها question أي سكوا سكفر كي سيتي دان الآية قال رحمه الله كفر لا يخرج عن الملة مثل الإيمان بعضه دون بعض فكذلك الكفر عقيدة أهل السنة الإيمان les croyants ils sont pas tous au même niveau في الإيمان contrairement à Aqidat al-Murji'a. فعند أهل السنة الإيمان يتفاوت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ça nous montre أن من المؤمنين قوية أي في الإيمان et des autres ils sont ضعفاء في الإيمان وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق الحديث اللي واضح أن الإيمان il y a plusieurs branches une soixantaine de branches la plus haute c'est la إله إلا الله la plus basse c'est enlever quelque chose qui gêne sur le chemin des musulmans ça nous montre أن الإيمان il y a des branches فواحد il peut être قوي الإيمان et un autre il peut avoir un إيمان faible et ça reste un مؤمن هكذا الكفر il y a plusieurs niveaux Il y a un kufr qui fait sortir de l'islam, kufr akbar. Mathalan, associer Allah, sacrifier pour autre qu'Allah, invoquer autre qu'Allah dans une chose que seul Allah peut te donner, ila akhri. Tout ça, ça fait sortir de l'islam, c'est du kufr akbar. Wa huna kufr, kama sammaha ba'du ahl al-ilm, duna kufr, kufr asghar. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a appelé kufr, lakin il ne fait pas sortir de l'islam. Sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufr. وعلماء الإسلام ils font pas sortir de l'islam celui qui combat son frère musulman là ça reste un pécheur un fasiq il a fait un très très grave péché mais ça reste un musulman فهذا قول الإمام أحمد رحمه الله قال حتى يجيء من ذلك أمر لا يختلف فيه أي sauf si il fait une chose ou qu'il y a aucune divergence أنه c'est du kufr مثلا يقول أن les lois des êtres humains sont mieux que les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ah, c'est du kufr. Ou ils ne jugent pas par les lois d'Allah, parce qu'ils détestent les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils pensent que les lois des êtres humains sont mieux, les lois d'Allah ne sont pas adaptées, c'est de la barbarie. Ah, c'est du kufr. Avec des autres adillah. Ah, c'est kalam al-imam Ahmed rahimahullah. Wa qala, ou on cite la référence, naqalahu ibn Taymiyyah rahimahullah fi majmou' al-fatawa, وتلميذه ابن القيم رحمه الله في الصلاة كتاب الصلاة وبعضهم يلقي الحكم تارك الصلاة وقال الإمام السمعاني رحمه الله في تفسيره واعلم أن الخوارج يستدلون بهذه الآية ويقولون من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر وأهل السنة قالوا لا يكفر بترك الحكم avec le tafsil qu'on a cité si c'est un musulman il a délaissé le hukm Et il n'a pas fait une chose qui le fait sortir de l'islam, comme détester هذا الحكم ou penser que les lois des hommes sont meilleures, enfin, ça reste un musulman. وقال الإمام القرطبي رحمه الله في المفهم شرح صحيح مسلم ولا حج لهم فيه أي الخوارج. Vous avez remarqué que les ulama ici, أن الخوارج, ils ont pris cette ayah pour démontrer que celui qui fait un grand péché, c'est un kafir. Et ils ont pris l'exemple al-hukm bi ghayri ma anzalallah et ils ont cité tous les grands péchés. Al-Imam Qurtubi rahimahullah قال wa la hujjata lahum fih. Il n'y a aucune preuve pour eux dans ce verset. Il est pas il va pas au sens qu'ils veulent. قال li anna hadhihi al-aya nazalat fil yahud. Ce verset, il est descendu fil yahud. قال المحرفين لكلام الله تعالى كما جاء في الحديث وهم كفار ففي الحقيقة ce verset est descendu في كفار أي اليهود قال يشاركهم في حكمهما من يشاركهم في سبب النزول que le hadith il soit sahih amla, celui qui a la même caractéristique que les juifs, il aura le même hukm. Ça veut dire quoi, hada? Awalan, pour comprendre hada al-kalam, il faut connaître une règle fi tafsir al-ulama illa sitan al-ibra bi umum al-lafz la bi khusus al-sabab. Et quand on a inversé, fal-ibra, l'essentiel, c'est ce qu'on comprend du verset. Et ce qu'on comprend du hukm. C'est pas khusus al-sabab. Mathalan, ce verset, il est descendu sur les juifs. Enfin, est-ce qu'on va dire qu'il n'y a que les juifs qui sont koufar et les autres qui jugent par les lois autres que les lois d'Allah, même s'ils disent que les lois des hommes elles sont meilleures, ça reste des musulmans? Là, al-ibra bi'umum al-lafz. Et tous ceux qui rentrent dans ce hukm, enfin, ils ont ce hukm. Et c'est pas restreint que pour ceux sur qui il est descendu ce verset. Hada awwalan. Faqala فيشاركهم حكم فيشاركهم في حكمهما من يشاركهم في سبب النزول وبيان هذا أنه إذا علم حكم الله في قضية قطعا ثم لم يحكم به فإن كان عن جحد كان كافرا. Il va citer exactement le tafsil que Cheikh Ibn Uthaymeen il a rapporté. Wa ta'lamoun anna l'imam al-Qurtubi par rapport à nous, il est min al-mutaqaddimin, il fait partie des anciens savants. Rahimahullah. Faqala, si il juge par autre que les lois d'Allah, un jahd, il pense que c'est les lois des autres elles sont meilleures. Ou il kiddab, il dit ce hukm il n'est pas valable. Iyadam billah. Hada la shak annahu, c'est du kufr. Kal yahoud. Akhzahumullah. Qala, la yukhtalaf fi hada. Les trois cas que Cheikh Ibn Uthaymeen il a cités. هذا لا شك يا أكن ديفيرجون. قال وإن كان لا عن جحد كان عاصيا مرتكب كبيرة لأنه مصدق بأصل ذلك. تأمل. أما si il fait sa part en suivant ses passions, il reconnaît que les lois d'Allah sont meilleures, que c'est hukmullah, il le respecte, il a agiré, lakin il juge par autre que les lois d'Allah, il a une faiblesse. فهذا سرست مسلم لماذا قال قال لأنه مصدق بأصل ذلك الحكم لأنه il sait que les lois d'Allah c'est les lois d'Allah et c'est les meilleurs et il les combat pas, il dit pas que c'est faux, il a agiré. قال بوجوب قال وعالما بوجوب تنفيذه عليه لكن عصى بترك العمل به. Et il sait et il est convaincu que c'est les lois qui doivent être appliquées, lakin il les délaisse à cause de passion, de faiblesse, il a akhir. هذا كلام الامام القرطبي, il est jamil et il récapitule ma taqaddam. On conclut avec une mas'ala pour finir ce sujet sur juger par autre que les lois d'Allah. تنبيه بعضهم. Il peut se poser la question, هل هناك فرق في الحكم مرة بغير ما أنزل الله وجعل القوانين تشريعا عاما مع اعتقاد عدم جواز ذلك. Cette question elle a été posée à الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى في كما في شرح سنن أبي داود. C'était des audios qu'il a enregistrés في المسجد النبوي Hafidahullah, et ils lui ont posé cette question. Et est-ce qu'il y a une différence sur le fait de juger par dans une chose avec des lois autres que celles d'Allah ou dans plusieurs choses, dans tout? Est-ce qu'il y a une différence? Fabardahum yaqul madalan, si il a remplacé la sharia et il ne juge pas par la sharia dans aucune chose, c'est un kafir. Mais si c'est dans un point ou deux points, ça reste un musulman. قال الشيخ عبد المحسن حفظه الله يبدو أنه لا فرق بين الحكم في مسألة أو عشرة أو مئة أو ألف. قال حفظه الله أنه y a pas de différence que ça soit dans une mas'ala, aïe dans un point, dans une chose, ou dans deux, ou dans dix, ou dans cent, ou dans mille, tant que il rend pas cette chose halal ila akhiri, ça reste un musulman. قال لا فرق ما دام الانسان يعتبر نفسه انه مخطئ وانه فعل امرا منكرا وانه فعل معصيه وانه خاف من الذنب فهذا كفر دون كفر. Bien sûr que plus il juge par autre que les lois d'Allah, plus il fait des grands péchés. Lakin, est-ce que ça le fait sortir de l'islam ? As-sawab la. Limad ali anna, ce qui fait sortir de l'islam, c'est ma taqaddam. Amma fil haqiqa, son grand péché. Al-ba'd yaqouloun, s'il le fait une fois, c'est un grand péché. Fa nahnu naqoul, en se basant sur la parole de Cheikh Abdel Mohsin, s'il le fait 100 fois, matalan, fa il a fait 100 grands péchés. Est-ce que 100 grands péchés, ça te fait sortir de l'islam, là ? كأن واحد مثلا يفدي غران بيشي من زنا وشرب خمر وسرقة إلى آخره et il le fait tous les jours. Est-ce qu'on va dire vu qu'il le fait tous les jours donc c'est du kufr. لماذا لأنه s'il le fait tous les jours c'est qu'il pense que c'est halal. لا on doit fermer la porte à ce genre de choubah et on reste à la هذا التفصيل que Cheikh Ibn Uthaymeen l'a cité, que Cheikh Ibn Baz l'a cité عليهم رحمة الله قبلهم الإمام ابن عبد العز شارح الطحاوية كذلك الإمام القرطبي كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم الإمام أحمد رحمه الله لان كلام في هذا ونغست على هذا بإذن الله عز وجل ونسق على خير ونفرم لبخت أهل الشبه ونفر دي زفق سرنوما لأن البعض ذابي رمكي دائما يتكلمون في مثل هذه المسائل والله بعضهم يصنف بلاد الكفر et leur situation elle est critique et ils font pas des efforts sur eux-mêmes ils font des grands péchés eux-mêmes dans certaines choses ils jugent pas par les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala ila akhirih thumma daiman ils parlent sur les gouverneurs musulmans rubbama ils tendent la main aux kafara aux ennemis de l'islam qui jugent par autre que les lois d'Allah et ils le nourrissent ila akhirih et ils tendent la main thumma ils critiquent ses frères. Le gouverneur, c'est un musulman, ça reste notre frère. S'il a des péchés, ça reste notre frère qui a des péchés. Enfin, on doit avoir un comportement. C'est un gouverneur, c'est pas une personne de la masse. Ha'oula, da'iman, ils critiquent les autres et ils font pas des efforts sur eux-mêmes. Enfin, masihana, on fait des efforts sur nous-mêmes et on fait ad-du'a pour nos gouverneurs. Comme a dit, ghayru wahid min as-salaf, annahu si il aurait un dua mustajab, une invocation qui serait sûre qu'elle soit exaucée, il l'aurait fait pour al-sultan. N'am jaa hada an al-fudayl ibn Iyad rahimahullah an l'imam Ahmed et d'autres. Al-muhim, ça nous montre que les salaf ils faisaient un dua pour leur gouverneur musulman. Amma qil wa qal, et les rumeurs et les mensonges et perdre notre temps avec hada, hal satus al-yawm al-qiyam an hada? Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala va t'interroger au Qiyamah sur tel gouverneur, pourquoi il n'a pas jugé par les lois d'Allah? Abadan. Gouverneur, il rendra des comptes et un tas, tu rendras des comptes. Enfin, prépare-toi. Prépare-toi. L'âme, le gouverneur, il sera demandé sur ceux qu'il a gouvernés. Mais un tas, tu ne seras pas demandé sur le gouverneur. Enfin, fais des efforts. Celui qui a le Qudra, qui est proche du gouverneur, si on qadr que wahid, il connaît un gouverneur, ou il est proche, il peut le conseiller. Enfin, wajib alayhi, c'est de conseiller. Billatihi ahsan. Et comme nous, on n'a pas cette capacité, enfin on fait du'a pour eux. Et on fait des efforts sur nous-mêmes. L'essentiel, c'est de mourir à la khair ou à thabat. Naqra, kalam Cheikh Sa'di, rahimahullah, qala, man ata'a al-ulama wal-umara fi tahrim ma ahallallah, ou tahlil ma harramahu, faqad ittakhadahum arbaban. Aïe, il a cité, rahimahullah, le shah des deux chapitres, le chapitre précédent et le chapitre qu'on a lu ensemble aujourd'hui. قال باب قول الله تعالى لم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك ووجه ما ذكره المصنف الظاهر فإن الرب والإله هو الذي له الحكم القدري والحكم الشرعي والحكم الجزائي. نعم الحكم القدري أي الله يقدر ce qu'il veut. Ce qu'il veut, maintenant la pluie elle tombe aujourd'hui, demain Foulan il meurt, demain Foulan il a un accident, tout ça c'est min hukmillah subhanahu wa ta'ala. Al-qadri, al-shar'i, c'est al-ahkam shar'iyya, telle chose est obligatoire, telle chose est interdite. Wal-hukmu al-jaza'i, ay Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui récompensera qui il veut, il châtiera qui il veut, azza wa jal. Wa huwa alladhi yu'allah, ay yu'bad, huwa alladhi yu'allah wa yu'bad wahda. لا شريك له ويطاع طاعة مطلقة لا يعصى بحيث تكون الطاعة كلها تبعا لطاعته. نعم الطاعة كما تقدم من خصائص الله فأني أوبليجي de lui obéir, on n'a pas le droit d'obéir à un autre pour désobéir à Allah Azza wa Jal. قال فإذا اتخذ العبد العلماء والأمراء على هذا الوجه وجعل طاعتهم هي الأصل وطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تبعا لهم لهما أو لها فقد اتخذهم أربابا من دون الله عيدا بالله كما فعل اليهود والنصارى. Ils ont délaissé حكم الله سبحانه وتعالى كتاب الله عز وجل qu'il a révélé à Moussa et à Isa et ils ont suivi leurs imams عيدا بالله. Enfin, ils leur ont autorisé des choses interdites, ils leur ont interdit des choses autorisées, ils ont falsifié leur kitab et ils ont perdu leur titre. Nous, on n'a pas le droit d'être kahaoula. Qala wa yatahakam ilayhim wa yuqaddim hukmahum ala hukmillahi wa rasulihi fa hadha huwa al-kufr bi'aynih fa inna al-hukma kullahu lillah kama anna al-ibadata kullaha lillah. Wal-wajib ala kulli ahadin an la yattakhid ghayra Allah hakaman أو حكما وأن يرد ما تنازع فيه الناس إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وبذلك يكون دين العبد كله لله وتوحيده خالصا لوجه الله. أي عند النزاع quand il y a une divergence, une chose où on n'est pas d'accord, فالواجب c'est de revenir à حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. Et on a cité les versets plusieurs fois. قال فالإيمان لا يصح ولا يتم إلا بتحكيم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في أصول الدين وفروعه وفي كل الحقوق كما ذكر المصنف في الباب الآخر فمن تحاكم إلى غير الله ورسوله فقد اتخذ ذلك ربا وقد حاكم إلى الطاغوت. نعم وتقدم معنا التفصيل من كلام أهل العلم. نكتفي بهذا القدر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.